Votre site internet est une perle rare où il ne fait pas bon se perdre. Le site sur Borgard ? Le site sur Borgard et sur Blanche. Et sur Blanche, ouais. Ouais, mais j'aime bien le principe des bonus dans les DVD. Je me dis, ouais, les bouquins, c'est comme des films. Il y a des bonus gratos. Et ben voilà, vous les prenez dans l'univers, vous avez des petits trucs en plus, des textes cachés, des images, etc. Et ça me plaît assez que le lecteur puisse se promener gratuitement comme ça. L'ingénieur mage Beauregard a une première chance chez Abyss avant d'être pris de plus belle chez Pandore. Aurons-nous la chance d'avoir un tome 3 ailleurs, à moins que le blog grandisse? Le blog grandira à son petit rythme. Il y a une chance que Borgard ressuscite parce qu'il a été tué une deuxième fois par les maisons d'édition. Peut-être qu'il va réapparaître chez Folio SF. Voilà, reprise des deux premiers tomes en poche et inédit en poche, mais bon, c'est pas encore sûr, l'histoire de droit, de machin, etc. Compliqué. Dans les prolongations des bouquins, les prolongements. Vous avez eu l'idée de faire un roman à propos d'un zeppelin dans les années 30. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, j'avais opportunément abandonné le projet quand j'avais discuté avec Timothée de Fombelle, qui a sorti Van Gogh depuis. Alors à l'époque, quand j'en avais parlé de mon projet avec lui, il était sur la fin de l'écriture du tome 1 de son Van Gogh, qui se passe dans le même milieu des zeppelins dans les années 30. Et nos histoires étaient assez approchantes à l'époque. J'ai lu son bouquin, finalement, ce sont les histoires d'Evy. C'est toujours dans les cartons. J'ai très envie de le faire, roman d'aventure à la Indiana Jones, dans les airs, etc. Mais bon, faut d'abord que je finisse monstre. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon courage pour la suite.